Ce matin, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par parler à ton Dieu ce matin? Dieu est au milieu de nous ce matin et je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu lui parles. Parle-lui de tes besoins ce matin, car il est le Dieu qui nous vient en aide. Il est le Dieu qui exauce nos prières. Seigneur, merci pour l'opportunité d'être dans ta maison ce matin. C'est sur ta grâce qui nous a permis d'être là ce matin. Nous sommes reconnaissants à toi. Nous te disons merci. Seigneur, merci de ce que tu écoutes toujours les cris de tes enfants lorsqu'ils crient à toi et tu les exauces. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que nous avons ce matin de t'écouter encore une fois. Seigneur, merci pour cette maison, la grâce qui est dans cette maison. Seigneur, la grâce d'être béni, Seigneur, la grâce de prospérer, la grâce de te connaître et de te servir. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos iniquités. Seigneur, ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je prie que tu m'utilises comme un vase pour parler à ton peuple ce matin. Nous te disons merci de ce que ton esprit est là, pour prendre contrôle de toutes choses. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous disent Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Wow. Que quelqu'un dise wow. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait d'être ici ce matin. Amen. Le pasteur n'est pas là. Il est en déplacement. Et il pense à nous. Et il nous envoie ce matin ses salutations. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour sa vie, pour ce qu'il fait au travers de lui. Alléluia. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très occupé. Mais il trouve toujours du temps pour venir ici, dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, pour venir partager la parole de Dieu avec nous. Alléluia. Et nous devons être reconnaissants au Seigneur pour sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer et remercier le Seigneur pour sa vie ce matin? Nos prières sont aussi avec lui là où il est en ce moment. Alléluia. Et bientôt il sera au milieu de nous. Amen. Wow. Ok. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin pour recevoir la parole de Dieu? Ce que le Seigneur a pour toi ce matin, est-ce que tu es prêt pour recevoir cela? Demande à ton frère et à ta sœur, es-tu prêt pour recevoir ce que le Seigneur a pour toi ce matin? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est prêt. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Luc 14? Luc 14. Nous lisons le verset 26. Il est écrit, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alléluia. Est-ce que la parole est dure? C'est la nourriture solide. Et c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous dire ici que si on veut le suivre, il y a des conditions. Alléluia. Qui veut suivre Jésus? Je veux voir encore les mains. Qui veut suivre Jésus? Ok, il y a des gens, c'est comme il y a des gens au milieu qui ne veulent pas suivre Jésus. Ok, donc, la parole n'est pas pour eux ce matin. Alléluia. Mais je crois que la parole ce matin est pour nous tous. Alléluia, sans exception. Amen. Vous voyez, vivre pour Jésus, c'est pas facile. Et suivre Jésus, c'est pas facile. C'est la vérité. Il y a beaucoup de personnes ou bien de pasteurs qui n'ont pas le courage de dire cela à leur congrégation. Et qui sont plutôt à prêcher la prospérité. A dit que lorsque tu viens en Christ, c'est la joie. C'est rien que la joie. Tu n'as pas à souffrir. Mais la réalité est que tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas perdre. Tu vas sacrifier. Et tu vas mourir. En Christ. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la mort, nous ne parlons pas de la mort physique. Alléluia. C'est qu'il y a certaines choses, lorsque tu viens en Christ, que tu ne verras plus jamais. Tu dois être séparé de cela à jamais, jusqu'à la fin de ta vie, si tu veux suivre Christ. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de la mort. C'est-à-dire, la chose n'est plus dans ta vie, à cause de Christ. Alléluia. Donc, le titre du message de ce matin, c'est les contre-rendez-vous spirituels. Alléluia. Les quatre rendez-vous spirituels. Et ces rendez-vous, ce sont des rendez-vous qui attendent tout chrétien. Si tu veux suivre Christ, il faut savoir qu'il y a ces quatre rendez-vous qui vont t'attendre. Tu ne peux pas échapper ou bien il n'y a pas un remplacement à cela. Amen. Yeah, c'est un passage forcé. On n'a pas le choix. Et ces quatre rendez-vous, je viens de le dire, c'est la perte, la souffrance, le sacrifice et la mort. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Il faut qu'on soit là jusqu'à la fin. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est une parole de bénédiction pour nous ce matin. Alléluia. Donc, nous voulons commencer par voir la perte. Qu'est-ce que nous allons perdre en Christ? Le fait que nous sommes en Christ. Est-ce qu'on comprend? Et il faut comprendre que le Seigneur nous a donné le privilège d'être sauvés par le sang de Jésus. Est-ce qu'on comprend? Et nous avons aussi le privilège de connaître Dieu lorsque nous venons en Christ. Et un autre privilège aussi, c'est d'aller au ciel lorsque tout sera fini sur cette terre. C'est d'aller au ciel. Et nous allons au ciel à cause de ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. Mais il faut comprendre que, alors que nous sommes là pour le moment sur cette terre, il y a ces rendez-vous par lesquels tout le monde doit passer. Alléluia. Et ce matin, je veux un peu essayer de changer ta mentalité de voir la chrétienté. Alléluia. Parce que la chrétienté, c'est de pouvoir ressembler à Christ. Alléluia. Quand on parle de chrétienté, ok, c'est de ressembler à Christ, de marcher comme Christ a marché. Alléluia. Et nous tous ici, alors que nous avons dit que nous voulons suivre Christ, il faut comprendre que c'est un passage forcé, comme je le disais tantôt. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler de la perte. Et on va voir un peu ce que signifie la perte. Alléluia. Lorsque nous parlons de la perte, qu'est-ce que cela signifie? Qui veut savoir? Est-ce qu'il y a les gens qui veulent savoir ce que c'est que la perte? Avant cela, nous voulons lire Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Mais celui qui veut la garder, à la fin, va la perdre. Alléluia. Un autre verset. Philippiens 3, verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout et les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu ce matin? Et qu'est-ce que signifie la perte? La perte signifie que certaines choses viendront à vous manquer. Alléluia. À cause de Christ, certaines choses viendront à commencer par nous manquer. Amen. Il pourrait y avoir peu ou aucune chance de récupérer ce que vous perdez. Alléluia. Une autre signification de la perte signifie que vous allez être privé de certaines choses. À cause de Christ, on sera privé de certaines choses. Amen. La perte signifie que vous serez incapable de garder ou d'entretenir certaines choses dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on est content ce matin? Alléluia. Nous sommes en train de voir ce que signifie la perte. Et cette perte, à cause de Christ, n'oublions pas. La perte signifie que vous devez abandonner et renoncer à la possession de certaines choses. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à la possession de certaines choses? Et cela à cause de Christ. Alléluia. Et Paul, vous voyez, avait tellement compris l'importance ou bien la signification de suivre Christ. Et ce matin, c'est cette signification que Dieu aussi veut nous faire comprendre. Alléluia. Pour que nous puissions savoir qui nous sommes en train de suivre, quelles sont ces normes qu'il a placées pour nous. Alléluia. Et Paul, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, la manière dont il a connu Christ, il a commencé par regarder tout ce qu'il a gagné, tout ce qui était comme gain pour lui, comme une perte. Pas seulement une perte, mais comme la boue. Alléluia. Et vous voyez, il y a, lorsqu'on vient à Christ, par exemple, on nous parle des mauvaises compagnies. Parce que la Bible dit que quoi? Que la mauvaise compagnie corrompre les bonnes mœurs. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 33. Les bonnes mœurs, les bonnes habitudes que tu as, ou bien que le Seigneur veut que tu gardes. Tu vas voir que le fait de te lier à un ami qui n'est pas chrétien, ou bien qui est chrétien criffé, vous connaissez criffé? Chrétien duel. Vous allez voir que votre vie va commencer par prendre certains chemins, certaines voies, alléluia, qui ne sont pas la voie du Seigneur. Amen. Et parce que on ne connaît pas ces normes que le Seigneur a données pour nous, il y a certaines choses que nous gardons toujours. Alléluia. Que nous avons, par exemple, nous avons des amis, par exemple des petits amis, ok, et des petits copains. La dernière fois, nous étions en train de parler un peu de ces choses. Et on disait que dans la classe du manège du nouveau croyant, c'est une classe powerful. Alléluia. Et j'invite ceux qui ne sont pas encore dans cette classe pour entrer dans la classe. Nous étions en train de parler un peu de ces amis et nous avons dit quoi? Que lorsque nous venons en Christ ou bien lorsque nous sommes en Christ, on ne parle plus de petits amis ou bien de petites amies ou bien de petits copains ou bien de petites copines. Nous n'avons plus ce terme-là ou bien nous ne devons plus employer ce terme. Nous devons laisser notre intelligence être renouvelée par rapport à cela. Parce que lorsqu'on mentionne petit ami ou bien petite amie ou bien petit copain, petite copine ou bien copain-copine, vous allez voir que déjà on a certaines pensées. Alléluia. Nous avons certaines pensées par rapport à ça. On sait ce qui peut arriver ou bien ce que copains-copines font. Alléluia. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous parlons de Beloved. Et avant de parler aussi de Beloved, nous sommes des frères et sœurs. Parce que la Bible nous recommande de regarder nos sœurs, les filles, bon, excusez-moi, les filles qui sont à l'église comme des sœurs. Alléluia. et les hommes qui sont dans l'église comme des frères. Qui ici est prêt à se coucher avec sa sœur? Je veux voir la main. Oh, il n'y a personne. Les hommes, réagissez. Oh, vous ne pouvez pas vous coucher avec votre sœur. Alléluia. De la même manière, si tu ne peux pas te coucher avec ta sœur, la Bible ou bien Dieu te demande de voir les filles qui sont dans l'église comme des sœurs, comme tes propres sœurs. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas les regarder comme des objets de sexe. Alléluia. Comme des filles avec qui tu peux avoir le sexe. De la même manière, la Bible dit aussi à nos sœurs, regardez les frères ou bien les hommes qui sont dans l'église comme vos propres frères. De sorte que vous ne vous offrez pas ou bien vous ne leur demandez pas d'avoir sexe avec vous. Alléluia. De la même manière. Et vous voyez, ces habitudes, ces comportements, lorsque nous sommes en Christ, nous devons commencer par les regarder comme la boue. Des mauvais comportements. Des comportements qui ne sont pas conformes à notre nouvelle nature. À la nature que nous sommes. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Alléluia. Et cette nouvelle créature, la Bible dit qu'elle est créée dans la vérité et dans une pureté. Alléluia. Dans une sainteté. Et vous voyez, on ne peut pas continuer par dire que nous sommes des chrétiens et nous ne sommes pas prêts à perdre ces habitudes. On n'est pas prêt à laisser ces comportements. On n'est pas prêt à laisser, cet homme gros ventre. Sugar daddy. Et on n'est pas prêt à laisser les sugar mami aussi. Alléluia. Yeah. Vous voyez, quand Paul parlait, il disait qu'on était. Auparavant, ce sont des choses qu'on faisait. Vous voyez, Dieu sait, ok, qu'auparavant, on avait ces habitudes, on faisait ces choses sans problème. Mais maintenant que nous sommes en Christ, il doit y avoir des changements. Alléluia. Nous devons être prêts maintenant à laisser ces choses aller, à regarder ces choses comme de la boue. Alléluia. Parce que quelquefois, il y a des hommes qui se glorifient, parce que j'ai tapé 3 sœurs, j'ai tapé 5 sœurs, et qui se glorifient comme un gain. C'est comme une certaine fierté. Alléluia. Sans savoir que tu es en train de te faire du mal. Alléluia. Et nous devons accepter, laisser les amis qui ne croient pas à ce que nous croyons. Alléluia. Nous devons accepter de nous séparer. Alléluia. Yeah. On doit accepter d'être privé de ces choses-là. Parce que quelquefois, on voit, c'est comme je veux toujours jouer entre les deux. Mais la chrétienté ne nous demande pas, ou bien n'attend pas, Dieu n'attend pas du tout de quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien, jouer ces doubles jeux. Alléluia. Yeah. Nous devons accepter, perdre certaines habitudes, certains comportements qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Et ma prière ce matin est que notre intelligence puisse être renouvelée. Alléluia. Parce que c'est important. Amen. Donc, on va perdre. Dis à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi que tu vas perdre. Et sois prêt à perdre. C'est la vérité. Dis-le que c'est la vérité. Non, tout le monde dit à son frère et à sa sœur. Dis-lui encore que tu vas perdre. Dis-lui, accepte de perdre. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de se dire cela? Nous devons perdre. Alléluia. Et nous perdons à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Et vous allez voir que Paul a vu quelque chose. Et Christ aussi a vu quelque chose. Et c'est cette chose qu'ils ont vue qui les a aidés, au fait, à accepter. Amen. Et Paul a parlé de l'excellence de la connaissance de Christ. Il a valorisé le fait de connaître Christ comme étant plus important que ces choses. Alléluia. Que ses habitudes. Alléluia. C'est important. Amen. Et la deuxième chose, deuxième rendez-vous, c'est la souffrance. Alléluia. La souffrance. La souffrance. Que signifie la souffrance? La souffrance signifie que vous serez sujet à la douleur, à la détresse, la perte, la blessure ou autre chose de désagréable. Alléluia. Vous voyez, Jésus a posé des conditions. Et je veux lire ces conditions, ok? Et c'est dans la parole de Dieu. Vous allez voir que ces conditions, c'est comme, Jésus, c'est comme toi aussi, tu exagères, quand même. Mais vous voyez un peu, il n'y a pas moyen, ok, d'avoir une meilleure vie en dehors de Jésus-Christ. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Nous devons être convaincus de cela, que en dehors de Christ, il n'y a pas une meilleure vie. La meilleure vie est en Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par lui. Et toutes choses résident en lui. Donc notre joie, ce que nous cherchons dans ce monde, se trouve en Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ. Alléluia. Donc si nous sommes des gens qui sont conscients de cela, qui sont sages, vous allez voir que les conditions que Jésus pose, on doit les accepter avec joie. Alléluia. Et ne pas les refuser. Et ne pas les combattre. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et il faut savoir que les paroles de Jésus-Christ sont plus importantes que les paroles de toute personne. Les paroles de Jésus-Christ sont plus importantes que les paroles de tes frères, de tes amis, de tes parents, de tes collègues à l'école. Alléluia. Parce que la plupart du temps, nous avons l'habitude d'écouter nos amis plus que la parole de Dieu. C'est là où on fait l'erreur. Alléluia. C'est là où nous passons à côté. Amen. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous n'allons plus passer à côté. Alléluia. Nous allons embrasser la parole de Dieu avec joie. Alléluia. Nous allons accepter ces conditions avec joie parce que nous sommes sages. Alléluia. Nous sommes sages. Amen. Jésus avait dit à... On va lire ça dans Matthieu 19, 21. Il parlait à un homme riche qui voulait le suivre, qui devait vendre tout ce qu'il avait pour le suivre. Alléluia. Qui est prêt ici à vendre tout ce qu'il a pour suivre Christ? Vous voyez, c'est la même chose que la perte. À cause de Christ, il faut être prêt à tout laisser aller. Alléluia. Yeah. À vendre tout. Dans Luc 9, 58, il a dit, également dit, si vous me suivez, vous n'aurez pas où rester parce que je n'ai même pas la maison que les renards et les oiseaux ont. Waouh. Il avait dit ça à ses disciples. Et lorsqu'il a dit ça à ses disciples, est-ce qu'ils se sont retournés? Non. Alléluia. Il a dit, vous ne pouvez pas dire au revoir à votre famille si vous voulez vraiment me suivre. Dans Luc 9, 61. Il a dit, quelqu'un dont un parent était mort, vous ne pouvez pas participer à l'enterrement de votre père si vous voulez vraiment être mon disciple. Alléluia. Vous voyez, il y a tellement de conditions, mais contrairement à ce que certaines personnes vont penser, il y a beaucoup de personnes qui suivent Jésus aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent Christ et qui suivent Christ. Alléluia. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que Paul aussi avait vu. Amen. Et c'est ce que Jésus aussi avait vu dans Hébreux. Hébreux 12, 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Il y avait une joie qui était réservée à Christ. Et vous allez voir que ce n'était pas facile pour Christ de souffrir. Ce n'était pas du tout facile pour lui. À un moment donné, il a voulu démissionner. Est-ce que vous savez cela? Parce qu'il a demandé à son père s'il pouvait éloigner cette... Alléluia. Mais rapidement, il s'est rappelé qu'au fait, il était venu pour cela. Alléluia. À cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la mort de la croix. Alléluia. Et il faut comprendre et savoir qu'il y a une joie qui nous est réservée en tant que chrétien qui accepte de perdre, de souffrir pour Christ. Alléluia. Il y a une joie qui t'est réservée. Alléluia. Simplement, l'ennemi, quelquefois, nous couvre les yeux, nous empêche de regarder cette joie qui est devant nous, cette récompense qui est devant nous. Alléluia. Cette meilleure vie que le Seigneur nous réserve. Alléluia. L'ennemi nous empêche de voir cela. Et ce qui fait que on ne veut pas laisser aller. C'est comme on trouve mieux de garder ses mauvais comportements, garder ses mauvaises vies, et puis on est là. Et en même temps, on dit que nous sommes en train de suivre Christ. Alléluia. Et cela ne doit pas être ainsi. Alléluia. Ça ne doit pas être ainsi pour toi et moi. Actes 14, verset 22. Nous sommes en train de parler de la souffrance. Alléluia. Actes 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Qui veut aller au ciel? Il faut savoir que nous avons le privilège du fait qu'on a accepté Christ d'aller au ciel. Alléluia. Mais, faut pas oublier que ça sera pas la tribulation, que ça sera pas la souffrance. Alléluia. Nous allons souffrir. Et vous voyez la réalité pour les bergers. Ceux qui sont des bergers, ils comprennent un peu quand on parle de ces souffrances, d'aller suivre les brebis, ok, de les regrouper, de les enseigner. Quelquefois, c'est comme on demande trop à nos brebis. Parce que quand on leur dit de venir à la cellule, elles ne comprennent pas que c'est pour leur bien, au fait. Vous voyez? Sinon, la réalité est que qu'est-ce que les bergers gagnent en termes de peut-être quelque chose de vous, des brebis? La réalité est que ils ne gagnent rien. Elles sont comprend. Mais ils donnent leur temps. Ils souffrent. Quelquefois, ils n'ont même pas d'argent. Ils marchent pour venir jusqu'au lieu des cellules. Et vous? Parce que on a voulu que vous ne puissiez pas dépenser pour vous déplacer. Donc, Et il se déplace jusqu'à venir à vous. Et dans vos chambres, et dans vos... Vous ne voulez même pas sortir. Sortir même, c'est un problème. On vous appelle même, vous ne décrochez pas. Alors que ils sont en train de souffrir. Vous voyez le ministère, il y a la souffrance dans le ministère. Alléluia. Il y a la souffrance dans le ministère. Vous ne savez pas, quelquefois c'est qu'on ne peut pas vous dire exactement ce qu'on souffre. Vous comprenez? Parce qu'on le fait à cause de Christ. C'est de Christ qu'on attend notre récompense. C'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé de vous dire. Mais la réalité est qu'il y a la souffrance. Les bergers souffrent. Vous comprenez? Yeah, ils pleurent même. Parce que quelquefois, les gens viennent dire que, oh, cette brebis-là, je ne comprends pas. Quelquefois, les bergers sont découragés. Et c'est comme on est en train de vous gêner. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas comme cela comme une gêne. Au contraire, prenez cela comme une opportunité, d'accord, pour apprendre du Seigneur, pour connaître la parole du Seigneur, pour mûrir, pour grandir dans le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu que nos frères et nos sœurs viennent partager avec nous. Ou bien, est-ce qu'ils viennent prêcher leurs pensées? Je ne crois pas. Alléluia. Je ne crois pas. Mais c'est la parole de Dieu qu'ils viennent partager avec nous. Pour qu'on puisse être édifiés. Pour qu'on puisse continuer la marche dans le Seigneur. Donc, nous devons leur faciliter la tâche. Lorsqu'ils, normalement même, c'est vous qui devrez vous organiser d'abord avant qu'il n'arrive, avant que le berger n'arrive. Mais au contraire, le berger vient vous chercher encore dans les chambres, cogner. Quand l'heure est arrivée, on vous appelle, vous dites que, oh, moi je suis sorti, je suis allé ici, je suis allé là. Cela ne devait pas être ainsi, mes frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait une habitude que les apôtres avaient. Ils se réunissaient dans des maisons, et ils se réunissaient aussi à l'église. Est-ce qu'on comprend? Donc nous sommes juste en train de suivre les pas de ceux qui nous ont précédés. Est-ce qu'on comprend? C'est ça la chrétienté. Parce qu'il y a un besoin de s'encourager. Il y a un besoin de grandir dans le Seigneur. Sinon, on ne peut pas ressembler à Christ. Est-ce qu'on comprend? On ne peut pas ressembler à Christ. Et c'est la parole de Dieu qui nous montre comment vivre comme des chrétiens. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est important, changeons cela pour que les bergers des cellules puissent trouver toujours la joie d'être là pour enseigner, pour encourager, pour partager. Est-ce qu'on a compris? Et vous allez voir que par ces cellules, vous allez grandir. Par ces cellules, vous allez vous développer spirituellement. Alléluia. Par ces cellules, votre intelligence sera renouvelée par rapport à beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Donc, il y a la souffrance. Toi, en tant que chrétien et des gens qui ont choisi de suivre Christ, vous allez souffrir. Vous allez souffrir des moqueries de vos amis. Vous allez souffrir de cela. Est-ce qu'on comprend? Vous allez souffrir parce que vous avez choisi de suivre Christ et que eux, c'est comme ils ne vous ont plus dans leur compagnie. Ils vont commencer par se moquer de vous. Toi, tu veux montrer que tu es plus spirituel. Que toi, tu vas plus à l'église plus que tout le monde. Maman pasteur. On va commencer par t'appeler pasteur. Oui, mes frères et mes soeurs, si on t'appelle pasteur, accepte. Et dis gloire à Dieu. Alléluia. Parce que c'est un sujet de joie. Amen. C'est pas un sujet de honte. C'est un sujet de joie. Que d'être appelé pasteur. Parce que les gens ont reconnu que tu es en train de suivre Christ. Alléluia. Les gens ont su que tu es en train de partager la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Sois content. Alléluia. Sois content et sois encouragé. Alléluia. Oui. On va souffrir. Est-ce qu'on comprend? Lorsque tu laisses la mauvaise compagnie, les amis avec qui tu étais en tout moment. Tu vas souffrir lorsque tu laisses ton petit copain là. Parce que maintenant, tu as connu la vérité. Tu as su que ce n'est plus conforme avec ta nouvelle créature. Ou bien ta nouvelle nature que tu as en Christ, ce n'est plus conforme. Et que si tu veux avoir un compagnon, tu dois être prêt d'abord. Amen. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas parler de beloved. Vous voyez, je parlais de beloved tout à l'heure. Quand, avant de parler de beloved, il faut être prêt pour commencer une relation. Lorsque tu n'es pas prêt, il ne faut pas commencer. Parce que lorsque tu commences sans être prêt, on aura encore ces traits de copain, copine. Les choses qui se font à ce niveau-là, on va les voir encore. Est-ce qu'on comprend? Mais lorsque tu es prêt pour commencer une relation, c'est une relation qui va t'amener au mariage. Est-ce qu'on a compris? Et pas une longue durée, pour 2 ans, 3 ans, de copinage ou bien de bilovédage. 4 ans de bilovédage. Vous allez voir que vous allez faire ce qu'il ne fallait pas faire. Est-ce qu'on comprend? Yeah. Donc, si le pasteur nous a plusieurs fois dit cela ici, que si on n'est pas prêt pour le mariage, ne commençons pas les relations. Alléluia. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore renouvelé leur intelligence par rapport à cela. Ça continue toujours. Et il faut savoir que la parole aussi sera toujours prêchée par rapport à cela. Jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Jusqu'à cela, ce que cela saute. Ça fait poum. Ça, et puis ça quitte ta pensée. Alléluia. Pour reconnaître maintenant que, au fait, tu es un chrétien. Tu appartiens à Christ. Et que ce n'est pas conforme à ta nature, à la nature que tu as. Alléluia. Parce que jusque-là, il y a certains qui ne comprennent pas encore, qui n'ont pas encore la révélation de cela. Et aussi longtemps que tu n'as pas la révélation, il faut savoir que la parole sera toujours prêchée par rapport à cela. Alléluia. Il y a quelquefois certains qui sont même fâchés et qui disent qu'à Lighthouse, on prêche trop sur la fornication. Moi, je vais quitter. Et effectivement, ils quittent. Est-ce que vous savez ça? Yeah. Les gens disent, oh, on prêche trop, toujours, toujours, toujours, toujours. Mais, quelle parole on doit prêcher? C'est pas la parole de Dieu. Non, oh, la parole vient toujours parce que toi, tu n'as pas encore changé. Et Dieu veut que tu changes. Alléluia. Dieu veut que tu changes. C'est pourquoi il fait en sorte que la parole vienne toujours. Amen. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un pasteur. Est-ce qu'on comprend? Aha. Et lorsque tu vas changer, tu vas voir que, ah, maintenant, c'est comme le côté là, tu ne seras plus gêné par rapport à cela. Alléluia. Dans 2 Timothée 3:12, nous voulons voir quelque chose là-bas rapidement. Wow. Time is running. Alléluia. 2 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Wow. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ceux qui ont choisi de porter leur croix, ceux qui ont choisi de perdre, de laisser aller, ils seront persécutés. Et la persécution viendra de leurs amis. La persécution viendra de leurs collègues. Alléluia. Les anciens avec qui ils étaient, j'avais parlé de cela, ils vont se moquer de toi. Mais il faut accepter cela. Est-ce qu'on a compris? Il ne faut pas se sentir gêné lorsque tu es en train de mener une vie qui plaît à Dieu et puis les gens sont en train de se moquer de toi. Il ne faut pas te sentir gêné à tort. Il faut compter ça comme un sujet de joie. Alléluia. Et continuer la marche. Et au moment opportun, on verra la différence. Alléluia. on verra la différence. On va voir où est-ce que les vies vont se terminer. Comment sera ta fin et puis la fin de quelqu'un qui a choisi de s'ouvrir pour Christ. Alléluia. Et mes frères et sœurs, faut qu'on sache que suivre Christ, il y a la souffrance. Mais cette souffrance n'est pas une souffrance sans récompense, sans gain. Est-ce qu'on comprend? C'est pas une souffrance sans gain. Si c'était une souffrance sans gain, vous allez voir que Paul n'allait pas suivre Christ. Est-ce qu'on comprend? Yeah. Parce que Paul avait compris qu'à un moment donné, sa chair voulait l'embêter. Et il a traité durement sa chair. Est-ce qu'on comprend? Yeah. Pour pouvoir aller de l'avant avec Christ. Et il faut comprendre que notre marche avec Christ, c'est pas pour quelques mois. D'accord? Quelques semaines. Quelques années. Et puis, non. Mais c'est une marche jusqu'à la fin de nos vies. Alléluia. C'est une marche jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Donc, nous sommes en train de voir la signification de souffrance. Souffrir signifie que vous allez connaître l'adversité, l'affliction, le malheur et la misère dans votre vie. La souffrance signifie que vous allez connaître la faillite, la gêne et la difficulté. La souffrance signifie que vous serez tourmenté, vous serez torturé et vous allez connaître l'adversité. Alléluia. Vous voyez, l'ennemi aussi est là, Satan est là. Et quelquefois, il envoie certaines situations. Je prends le cas d'une jeune fille qui avait le gros ventre. Monsieur Gros Ventre. Sugar Daddy. Et ce Sugar Daddy, c'est lui qui te supporte ici à Accra. C'est lui qui paie tes études, ton manger, ton loyer. Tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Ta crème, tes coiffures, tout, c'est lui qui paie tout. Il prend en général soin de toi. Et maintenant que la parole de Dieu est prêchée, ce matin même. Et le Saint-Esprit te convainc d'arrêter la relation. Et alors que le Saint-Esprit est en train de te convaincre d'arrêter la relation, il y a Satan qui est en train de te parler aussi en même temps. Qui te dit, comment survivras-tu? Comment est-ce que tu vas survivre? Qui va t'aider? Parce qu'il y a certains de nos sœurs qui s'accrochent aux hommes mariés. Oui. Oui. Qui s'accrochent aux hommes mariés. Et au lieu que ces hommes mariés prennent soin de leur maison, de leur famille, maintenant ils ont divisé. Et ils prennent soin de toi aussi ici. Alléluia. Et vous allez voir que au moment où tu veux prendre la décision, Satan est en train de te dire, hey, ne fais pas. Même ne l'écoute pas. Il va te dire, même regarde tes soeurs, les autres. Il y a leurs parents qui prennent soin d'eux. Tu es la seule ou bien l'unique ici qui n'a pas de support. Et c'est l'homme-là seulement qui est ton support. Comment est-ce que tu peux laisser ça? Et quelquefois, on doute un peu de l'habileté de Dieu à prendre soin de nous. Yeah. Et je vous assure, comme la Bible dit, il n'y a pas quelqu'un qui laissera une chose à cause de Christ. À cause de Christ. Jésus même l'a dit. Que si c'est à cause de moi que tu laisses, que tu abandonnes, il n'y a pas. Le Seigneur est fidèle. Et il est fidèle à sa parole. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui que j'arrête. Et le Seigneur ne va pas prendre soin de toi. Il faut simplement avoir foi en Dieu. Alléluia. Vous voyez, quelquefois, on a des maladies, on va à l'hôpital, n'est-ce pas? Et le docteur nous dit, il faut qu'on te coupe ici, ou bien qu'on t'enlève ceci. Est-ce qu'on refuse? On accepte. Oh bien. Yeah. On accepte. Parce qu'on veut la guérison. Mais lorsque Dieu nous dit, laissons ces choses-là. Laisse, on ne veut pas quoi? On ne veut pas laisser. On veut garder. Vous comprenez un peu? On ne veut pas laisser. On ne commence pas à faire des calculs. Alors qu'avec le médecin, on ne fait pas de calculs. On accepte rapidement. Ça veut dire qu'on croit maintenant plus au médecin que croire à notre Dieu. Pour qui rien n'est impossible. Qui est capable de tout. Qui prend soin des orphelins. Il est père pour les orphelins. Celui-là qui n'a personne. Dieu prend soin de cette personne-là. Alléluia. Yeah, vous voyez, parlant de Moïse, ou bien Salomon, dans toute sa gloire, la Bible dit que quoi? Les fleurs. Vous voyez les fleurs? La beauté que les fleurs ont. Que Salomon, dans sa gloire, n'a pas cette beauté-là. Et que les oiseaux qui ne travaillent ni ne moissonnent, ils trouvent toujours à manger, Dieu pourvoit à leurs besoins. Et Dieu est en train de dire combien de fois nous qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, il ne peut pas prendre soin de nous. Lorsqu'on choisit de le suivre, comment il ne peut pas prendre soin de nous? Il suffit simplement de lui faire confiance. Et tu vas voir sa main agir dans ta vie. Alléluia. Tu décides de vivre pour lui. Lui aussi, il va te prouver sa fidélité. Il va montrer sa fidélité. Alléluia. Alors que nous sommes en train de finir, on va lire quelques versets pour nous encourager. Alléluia. On va lire Apocalypse 2, verset 3. Apocalypse 2. Dieu est capable. Alléluia. Il est capable de le faire. Amen. Il dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Alléluia. Alléluia. Et dans ce verset, c'est Dieu qui était en train de parler d'une église. Ok? Et Dieu voudrait qu'on persévère. Est-ce qu'on comprend? Alors que nous sommes en train de souffrir, que cela ne nous arrête pas. Parce que quelquefois, à cause de ces souffrances, on dit, c'est bon, j'arrête. Vaut mieux être païen que d'être chrétien. Est-ce qu'on comprend? Yeah, quelquefois, à cause des souffrances, on dit, oh, c'est comme quand j'étais païen, c'est mieux que quand je suis en Christ. Quelquefois, c'est l'ennemi qui fait cela. Est-ce qu'on comprend? Mais il faut continuer. Parce que la Bible dit que ce sont des légères afflictions. Est-ce qu'on comprend? Légères souffrances. Et puis après, tu vas voir la gloire. La gloire nous attend juste après la souffrance. Mais il faut persévérer. Est-ce qu'on a compris? Persévérer malgré la situation. Ne pas abandonner. Et le Seigneur va nous prouver sa fidélité. Est-ce qu'on comprend? Il y a des situations que l'ennemi va amener dans ta vie pour te décourager de continuer ta marche avec Christ. Mais je prie que tu puisses avoir cet esprit de persévérance pour persévérer plus que l'ennemi. Alléluia. Pour aller de l'avant, pour ne pas abandonner. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a compris? Je disais tantôt que notre marche avec Christ, ce n'est pas pour des mois. C'est pas pour quelques années. C'est jusqu'à la fin. Alléluia. C'est aller jusqu'à la fin. Que cela soit ta détermination. Alléluia. Que nous acceptons avec joie de perdre, de laisser aller les choses. Vous voyez, quand la parole est prêchée, la parole révèle une chose dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? Une chose spécifique que le Seigneur te dit, laisse. Abandonne. Accepte d'abandonner. Accepte de laisser. Et si tu laisses, ce n'est pas à cause de ton ami, ce n'est pas à cause de ton frère, ce n'est pas pour faire plaisir à tes parents, mais c'est à cause de Christ. Alléluia. Et c'est dans ça qu'il y a la bénédiction. C'est dans ça, au fait, que le Seigneur prouve sa fidélité. Montre qu'il est Dieu. Alléluia. Nous devons persévérer. Accepter de souffrir les choses que nous devons souffrir à cause de Christ. Accepter les moqueries. Accepter les mensonges. Est-ce qu'on comprend? Il faut accepter. Il faut accepter. Et persévérer. Alléluia. Persévérer. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, persévère. Persévère. Persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Et la couronne de vie sera pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Tu vas fermer tes yeux et tu vas commencer par remercier le Seigneur ce matin pour sa parole. Remercie le Seigneur ce matin pour le privilège d'être sauvé par le sang de Jésus. Dis-le merci, remercie-le. Remercie-le. Remercie-le. Remercie-le ce matin. Dis-le merci ce matin. Pour le sang de Jésus qui nous a sauvés. Remercie-le du fait que tu as le privilège de le connaître. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur de ce que tu le connais. Ce privilège de le connaître. Lui, le seul et le véritable Dieu. Le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est à l'alpha et l'oméga, notre Créateur, celui-là qui nous soutient, celui-là qui est notre protection, celui-là qui nous délivre, celui-là qui est notre Dieu, notre rocher, notre forteresse. Remercie le Seigneur ce matin, oh, de ce que tu le connais, de ce que tu le connais. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Oh, remercie-le de ce que tu le connais et à cause de la connaissance que tu as de lui, tu as de faire des exploits. Tu acceptes de perdre. Tu acceptes de souffrir. Oui, c'est à cela que nous sommes aussi appelés. De souffrir pour Christ. De perdre à cause de Christ. Remercie le Seigneur ce matin. Oh, demande la grâce. Que le Seigneur te donne la grâce d'accepter de perdre. La grâce de souffrir pour lui. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Nous avons une récompense auprès de lui. Oh, demande la grâce d'aller jusqu'à la fin. De persévérer jusqu'à la fin. De persévérer plus que l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, demande-lui la grâce. La grâce pour aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Merci pour la force, la grâce que tu nous donnes ce matin. Pour persévérer, pour ne pas abandonner, Seigneur. Pour ne pas laisser la foi, Seigneur. Mais garder la foi et aller jusqu'à la fin. Comme Paul a dit, j'ai terminé la course. J'ai gardé ma foi. Seigneur, nous, dans le nom puissant de Jésus, à aller jusqu'au bout. À garder la foi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es notre joie. Tu es notre espoir. Tu es ce dont nous avons besoin, Seigneur. À part toi, nous n'avons pas autre Dieu, Seigneur. Nous voulons nous donner à toi. Nous voulons nous abandonner à toi. Prie ce matin, dis à Dieu, je m'abandonne à toi ce matin. Je m'abandonne à toi ce matin. C'est en toi que j'ai ma joie. C'est en toi que j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est en toi que j'ai ma joie, ma paix. La paix, c'est en toi. Ma vie est en toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les vies que tu touches ce matin, pour les vies qui sont transformées ce matin. À cause de ta parole, Seigneur, que nous avons écouté ce matin. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit à jamais loué, Seigneur. Que ton nom soit à jamais glorifié, Seigneur. Car tu es Dieu qui nous aime d'un grand amour, Seigneur. Béni soit ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié que tous les saints disent Amen. Alors que les yeux sont fermés et que toutes les têtes sont baissées ce matin, si tu es ici et tu ne connais pas Christ, tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux commencer la marche avec Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. La vie la meilleure est en Christ. Et il faut que tu lui appartiennes pour bénéficier de cette vie éternelle. Ce matin, si tu es là et tu ne le connais pas, on ferme les yeux, tout le monde ferme les yeux, tu ne le connais pas. Tu veux l'accepter ce matin comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je vais te demander de lever ta main. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur. Oh, lorsqu'on a parlé de la perte, on a parlé de la souffrance, il te semblait comme difficile. Mais ce matin, le Seigneur va te donner la force. Parce que tu as donné ta vie, parce que tu l'as accepté, tu vas recevoir une force pour continuer la marche, persévérer ce matin. Si tu es là, si tu peux lever ta main, on va prier ensemble ce matin. Tu veux faire la paix? La Bible a dit que à moins que tu ne donnes ta vie à Christ, tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est une vérité. C'est une réalité. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Tu veux donner ta vie à Christ? Tu veux l'accepter ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un veut venir prier, faire cette prière ce matin? Alléluia. Père, nous voulons te bénir ce matin pour la grâce, le salut que tu nous as donné par la grâce. Seigneur, merci de ce que tu nous fortifies ce matin pour continuer la marche avec toi, pour faire ce que nous devons faire, pour pouvoir te plaire, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, refléter, Seigneur, notre vie, la vie chrétienne, cette nouvelle nature, refléter ton image au Christ. Merci pour cette grâce ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise Amen.